Chapitre 15. Arrivée de Veuve Élie, patron François et Fifi Jacquet. Comment Monsieur Amédée prit tout à coup une grande importance. Projet du voyage. Inventaire de poches et doublures. Incendie marin. Maman s'en mêle. Victoire. Feu d'artifice et apothéose. La mesure du temps écoulé depuis le départ des Hollandais et des sauvages du cirque nous manquait absolument. Nous étions repris par ces étonnantes incertitudes des séquestrés qui confondent les minutes avec les heures et les heures avec les semaines. Comme conteur, Jean ne valait pas mieux que moi. Il lui semblait, comme à moi, que Mademoiselle Sidonie avait eu 20 fois le temps d'aller chez nous et d'en revenir. Il commençait à se blâmer lui-même d'avoir eu confiance dans une simple écuyère. Mais il y avait une chose qui nous étonnait bien autrement. Mademoiselle Sidonie avait pu jouer le rôle du corbeau de l'arche et nous oublier au fond de notre misère. C'était tout simple, tandis qu'il était, au contraire, impossible que les Élie se fussent arrêtés à moitié chemin d'un coup de commerce comme celui qui leur avait été proposé. Nous nous étions représentés les Élie armés en guerre, soutenus par leurs 2 complices, Langourdaine et Nicolas. Je peux dire que nous étions déterminés à vendre chèrement notre vie, à les massacrer tous, si faire se pouvait. Avec les outils du tonnelier, nous étions très bien armés, d'autant que, selon toute apparence, vu la proximité du quai, encombré de populaires, nos assassins devaient y regarder à 2 fois avant de faire usage d'armes à feu. Ces choses avaient été ressassées entre nous avec le vague espoir, il est vrai, qu'une circonstance se présenterait qui nous éviterait le combat ou qui nous permettrait la fuite, mais aussi avec une froide et sérieuse résolution qui n'avait rien à voir avec le côté puéril et même extravagant de nos rêves. Nous avions sucé, avec le lait de maman Quimper, le superstitieux respect de ce mot redoutable, le commerce. Ce que nous mettions sous ce mot prestigieux, ni le vouloir de l'expliquer, c'était éclatant comme la lumière et plus noir que la barbarie. Cela contenait toutes les trahisons et tous les héroïsmes. Quoique nous ne fussions pas extrêmement forts sur la morale, il est bien certain que nous ne pouvions regarder comme licite la spéculation d'espèces particulières machinée entre Langourdaine et les Élie. Mais il y avait là, en somme, quelque chose d'acheté et de vendu, un prix payé, une marchandise à livrer, c'était du commerce. Et nous nous trouvions en travers du chemin où passait ce commerce. Or, comme il faut que le commerce passe, il nous semblait tout naturel d'être broyés. Les Élie, en nous jetant de côté, nous, vivants obstacles placés en travers de leur commerce, ne faisaient ni bien ni mal à notre sens. Ils faisaient leur affaire. Et nous n'étions pas très éloignés de penser qu'en repoussant ici la force, par la force, nous outrepassions notre droit, puisque nous mettions des bâtons dans les roues du commerce. Cela donnait à notre résistance une couleur de fredaine qui ne nous déplaisait pas. Aussi, quand après avoir si longtemps attendu, nous distinguâmes le premier bruit qui pouvait annoncer l'arrivée du commerce, nous fûmes debout d'un même mouvement et la hache à la main. 2 belles haches et qui vraiment ne demandaient qu'à menuiser. Nous avions disposé, sommairement, l'endroit où nous étions, de manière à en former une sorte de petite enceinte fortifiée. Les interstices entre les tonnes avaient été bouchés, sauf 2 passages ménagés pour la retraite. Nous nous regardâmes, Jean et moi. Il avait un air mauvais qui me plut, et je pense que je lui fis aussi bon effet, car il grommela. C'est sûr que si le monde, ça se traitait à l'aune comme le calicot, tu vaudrais 1/3 en plus de moi. Je propose qu'on bûche d'abord Langourdaine et Nicolas, qui sont des durs. Après, nous n'aurons plus à tarauder que les Élie, et on s'amusera. Ça va-t-il ? Ça va, répondis-je. C'est 2 bons coups à taper, je m'en charge. Les bruits venaient de notre ancienne prison. Nous entendîmes plusieurs voix que nous ne reconnaissions pas encore. Puis les deux montants de l'échelle qu'on replaçait sonnèrent contre le fond de la cale et, tout aussitôt après, le bruit qu'on faisait en descendant lourdement les degrés arriva jusqu'à nous. On ne prenait aucune précaution, au contraire, on riait et on chantait. Mais quels chants et quels rires ! Je vis Jean qui écarquillait ses yeux et je me sentais un frisson autour du cœur. Jamais vous n'avez entendu et jamais vous n'entendrez rien d'approchant. C'était lugubre et cocasse en même temps. La peur qui nous prenait avait envie de rire. « Ils ont l'air en goguette, » me dit Jean que la stupéfaction suffoquait. « Qui ça ? » demandai-je, car je savais bien déjà de qui il parlait, mais je ne voulais pas croire. Il me répondit, vert d'effroi. « Bien sûr qu'ils se sont mis dans cet état-là, exprès pour avoir le cœur de nous massacrer. » Une voix éraillée détonnait, en brouillant l'air et les paroles de la ronde enfantine. « Si vous voulez m'embrasser, je saurai bien les manger. »« Bravo !» cria Langourdaine. « C'est la romance de l'ogre, ma vénérable. La savez-vous tout entière ?»« La patronne est pire que les rossignols, » balbutia la langue épaisse de Fifi Jacquet. « Ah, le bon jambon que vous nous avez donné, et le bon bœuf, elle en a avalé plus gros qu'elle. » Tous les héli y arrivèrent à la file, et le vieux François riait innocemment. Ils étaient gais comme pinsons, et veuve Élie elle-même avait son rhume en belle humeur. Tout à coup, elle s'arrêta et demanda gaillardement, « Qu'est-ce qui veut une prise de mon tabac ?»« Jamais de la vie ça ne lui était arrivé d'offrir quelque chose, » murmura Jean. « Tu sais, c'est notre bœuf et notre jambon qu'ils ont mangé. » Je répondis, « Bien sûr que depuis qu'elle est née, elle n'avait pas encore chanté. » Nous nous faisions peur l'un à l'autre avec les yeux que nous avions. Et Lineveux, qui était encore au milieu de l'échelle, demanda sourdement, « Où sont donc passés Corentin et Jean? Ils m'inquiètent, ceux-là. » Ce fut Langourdaine qui répondit, « Ils ne doivent pas valoir cher. On les a oubliés depuis lundi soir, sans boire ni manger. » La vieille dit, et c'était notre oraison funèbre, « Corentin n'était pas vilain garçon, et Piteux avait de l'économie. »« Ce n'est pas tout ça, » fit le neveu. « Parlons raison. À quelle heure pouvons-nous être rendus à Jersey ?»« Langourdaine, mon mignon !» s'écria la vieille. « Réponds-tu de la barque ? Nous sommes plus pauvres que Job, c'est vrai. » Mais on n'aimerait pas avoir ces 4 sous aller au fond de l'eau et soit avec. » Nous n'entendîmes pas la réponse de Langourdaine, parce que Fifi Jacquet disait à patron François, « Vous avez beau rire, papa, vous êtes fini, c'est malheureux pour vous. Nous autres, on va jouir de la vie à la fin des fins, mais vous pas. Il y a déjà la moitié de vous qui est morte. » C'était idiot, mais abominable, parce que c'était vrai, le vieux était impotent d'une jambe et d'un bras. Ils avaient tous atteint maintenant le bas de l'échelle. De ce qu'ils disaient, nous ne perdions presque rien, mais c'était la voix du neveu, M. Amédée, que nous cherchions à travers tous les autres bavardages. Il avait parlé de Jersey, et Jean derrière moi avait répondu comme un écho, « Banqueroute !» Jersey est la Belgique de l'Ouest. Cette idée de banqueroute n'était pas pour nous tout à fait nouvelle. Jean et moi, nous n'avions jamais été sans pratiquer l'art d'écouter aux portes. Dans les conciliabules intimes qui se tenaient parfois après notre coucher, on agitait chez les Élie des questions économiques extrêmement hardies. Je ne crois pas qu'il y eût au monde 4 personnes connaissant avec une perfection pareille l'ensemble et les détails de cette législation surprenante qui protège, en France, les gens de bonne volonté et de bonne foi, inclinés par nature à chercher, dans la faillite, un moyen honorable de mettre à part quelques ressources pour leurs vieux jours. Ils récitaient les versets du Code de commerce comme d'autres disent leurs prières. Veuve Élie en avait tous les divers articles gravés dans son cœur en lettres de feu Et avec quels précieux commentaires! Mais le plus fort, c'était Monsieur Amédée, qui étonnait la famille deux fois par ses dépenses et par sa capacité. Il avait de grands besoins, comme tous les usurpateurs. Avec le temps, son penchant à la bonne chère, au luxe, avait pris un développement si excessif qu'on n'évaluait pas le tort qu'il faisait à la maison à moins de 15 francs par semaine. Mais personne n'osait souffler mot, parce qu'il était l'intelligence de la bande, et que tout le monde était entretenu dans cette idée qu'à un moment donné, il trouverait un biais pour résoudre la grande équation de l'escamotage final. « Il s'est caché les jambes des 4 valets aux cartes !» disait mystérieusement veuve Élie. « Maintenant, si vous êtes curieux de savoir pourquoi tous ces maniaques de la rapine caressaient l'idée d'une faillite, eux qui pouvaient retirer d'une liquidation pure et simple 10 fois plus d'argent qu'ils n'étaient capables d'en dépenser, je vous répondrai qu'on ne leur devait rien, puisque jamais ils ne faisaient crédit à personne, et qu'ils avaient au contraire un passif considérable, parce qu'ils ne payaient jamais qu'à la dernière extrémité. Donc ils auraient des sacs de 1 000 francs pour payer leurs dettes. C'était là le terrible. Depuis des années, leur imagination crochue travaillait à la résolution de ce problème. Toujours prendre et ne jamais rendre. Ils en étaient arrivés à ce point que la seule pensée de lâcher une poignée d'écus leur déchirait le cœur. Au moment où nous sommes, ils se croyaient déjà à l'abri de toute crainte au sujet de cette extrémité. Ils venaient de festoyer gratis dans la cabine de Mynheer Abraham pour sceller le double marché qui les rendait maîtres de la cargaison et assurait leur passage en Angleterre. Ils allaient emporter tout, tout, car les marchandises de la boutique étaient vendues et ils en avaient touché le prix. Ils allaient mettre dedans tout le monde et se tromper, en outre, les uns, les autres, comme nous pourrons bientôt le voir. Ils étaient contents, ils étaient fiers. La seule ombre qu'il y eut à leur soleil, c'était la pensée du partage entre eux. Et déjà, chacun d'eux se creusait la tête pour trouver un moyen de garder tout. Nous entendîmes la porte de notre ancienne soute crier sur ses gonds. Une lueur se fit, éclairant une figure étonnante, effrayante aussi, que nous ne reconnûmes pas au premier abord. C'était veuve Élie, sans ses lunettes, et portant un costume de voyage qui devait bien dater de 40 ans. Elle se tenait plus droit qu'à l'ordinaire et paraissait moins maigre. Elle avait l'air tapageur, elle faisait de grands pas inégaux et chancelants. Sa béquille était sur son épaule comme une hallebarde. À la place où d'habitude ses lunettes de verre trouble faisaient miroiter la lumière, on voyait deux choses rondes, sanglantes, comme deux plaies circulaires, et qui étaient ses yeux. Entre ces deux blessures, son nez long, recourbé, plus affilé qu'un sabre, coupait en deux sa bouche et venait piquer son menton, où buissonnaient quelques poils de barbe, gros comme des brins de broussée. Elle avait à la main un verre où restait un petit fond de genièvre pure. Ce nez extraordinaire était d'un vautour, mais le reste de sa figure tenait du lapin rongeur à cause de ses yeux rouges et de ses lèvres en museau qui, sans cesse, remuaient entre les piquants rares et durs de ses moustaches. « Vous n'avez pas besoin de vous gêner. Jamais vous ne pourriez rien imaginer de si burlesque ni de si terrible que ce vieux péché. Sa face exprimait une diabolique énergie. Elle était éclairée vivement par la lanterne que portait Fifi Jacquet au-devant de patron François, marchant à petits pas de paralytique. Élie Neveu, Monsieur Amédée, venait derrière, avec une valise sous le bras. Il était très bien habillé, il fumait un cigare d'un sou, comme un seigneur, et l'on voyait bien qu'il ne se contraignait plus pour étaler sa prodigalité effrénée. Sa badine avait une pomme de 6 000 or. Derrière encore, Langourdaine traînait des bagages, ainsi que Nicolas qui n'avait plus sa peau d'ours. Monsieur Amédée se retourna vers eux et demanda à demi-voix « Tout le monde est-il parti là-haut, dans le char des écuyers ?»« Attendons encore un peu, répliqua Langourdaine. Ça se pourrait qu'il resterait quelques traînards. Alors, pousse une caisse, qu'on s'assoie, commanda veuve Élie. Pendant que Langourdaine obéissait, la vieille lui donna une tape d'amitié, disant « Tu vas comprendre, on se défera bien plus facilement de la marchandise à Jersey qu'ici, où les douaniers nous lorgnent. Et de là-bas, on proposera 15% au commerce de Saint-Malo, qui sera bien aise, parce qu'il aura eu peur de tout perdre. Et si on ajoute 5% de bonne volonté, pour prouver qu'on est la probité même, on sera béni dans les familles. » Pas bête, dit Langourdaine. Monsieur Amédée, pendant cela, causait à voix basse avec Nicolas, qui hochait la tête en signe d'approbation. La vieille riait. Où est la caisse au linge ? Demanda tout à coup monsieur Amédée en appuyant sur le mot. Voilà, mon prince, répliqua Langourdaine. Il montra une malle qu'il venait de pousser. Nicolas et lui se donnaient des airs d'ivrogne, mais ils avaient tout leur sang-froid. La malle qu'on venait de placer au milieu de l'espace libre ménagé entre les tonnes était de moyenne taille. Nous la connaissions très bien, Jean et moi, pour l'avoir vue souvent dans le taudis qui servait de chambre à coucher à veuve Élie. Jean avait toujours prétendu que cette malle, cerclée de fer et clouée sur toutes les jointures, était la véritable caisse de la maison et qu'elle contenait 20 fois la fortune de monsieur Surcouf. Il me paraissait difficile à moi de mettre tant d'argent dans si peu d'espace. Je n'étais pas, cependant, sans avoir entendu parler des billets de banque, ces sorciers de papier qui donnent à un petit enfant la force de porter des millions sur le dos, mais je n'en avais jamais vu. La malle n'avait pas l'air d'être très lourde. Langourdaine l'avait traînée tout seul. Le pauvre patron François, dont les jambes ramollies flageolaient, eut la mauvaise idée de s'asseoir dessus. Mais la veuve le poussa pour prendre sa place si rudement que le malheureux tomba entre les jambes de Fifi Jacquet, qui eut son rire idiot en criant « Hé, hey, papa, vous avez votre billet de parterre, vous ?» La veuve avait à peine pris la place du bonhomme qu'Élie Neveu la rangea de côté sans façon, au grand étonnement de tout le monde, et s'établit au milieu du coffre en disant « Voilà le moment de s'entendre. Ils sont partis, ceux d'en haut. Nous autres, nous allons causer peu et bien. Je vous connais, mes parents, et il y a longtemps. Vous êtes un tas de voleurs, et vous allez vider vos poches jusqu'au fond. » Il n'avait pas achevé que les 5 paires de griffes de la vieille cherchaient ses yeux pendant que le paralytique l'attaquait aux jambes et que Fifi brandissait le cruchon de grès au-dessus de sa tête en criant « On va te finir du coup. Crois-tu qu'on ne t'avait pas deviné, Pharo ? C'est toi qui es un brigand. Rends ce que tu as grappillé ou je t'assomme. » C'est ici que nous vîmes la différence qu'il y avait entre l'ancien Élie Neveu et le nouveau monsieur Amédée. Il se dépassait lui-même de toute la tête. Froid, calme, presque souriant, il terrassa le vieux d'un coup de pied et son poing fermé fit craquer la mâchoire de la vieille. Son autre main saisit le cruchon et le brisa sur la figure de Fifi Jacquet. « Allez, » dit-il seulement à Nicolas et à Langourdaine, « faites votre ouvrage. »« Bien, mon prince, » répliquèrent ceux-ci. Ils étaient évidemment d'accord tous les trois. En un clin d'œil, patron François et son fils furent ficelés, mais la veuve opposa une résistance héroïque, et malgré le mauvais état de ses dents, elle couvrit de morsures les mains de ses bourreaux, car Langourdaine et Nicolas s'étaient mis à deux pour la réduire. « Je n'ai pas détourné un liard, pas un pauvre liard qui n'est qu'un liard !» disait-elle en écumant comme les chiens enragés. « Laissez-moi ! Où sont les douaniers ? Où est le bon Dieu ? C'est moi pourtant, c'est moi qui ai réchauffé cette vipère d'Amédée dans mon giron !» La première chemise qu'il a eue sur le dos, c'est moi qui l'avais faite en cousant bout à bout les petits linges des pots de beurre. À l'assassin, à la garde !» Une suffocation la fit taire. Elle était liée comme un colis. Les autres ne disaient plus rien, et le paralytique tout pantelant avait l'air bien malade. « J'en ai encore froid sous l'aisselle en racontant cela. Je ne respirais pas. J'avais la poitrine prise dans un étau. Mais l'émotion qui m'étouffait était presque entièrement exempte de terreur personnelle. D'instinct, je sentais que nous n'étions plus en cause, au moins pour l'instant, et j'entendais à mon oreille la respiration entrecoupée de gens qui répétaient à son insu. « Par exemple, voilà qui est drôle, c'est pour les fouiller. On va les voir vider comme des poulets, ce qu'ils doivent avoir dans le corps, des milles et des cents. Ah, c'est tout de même intéressant, quoique ennuyeux pour eux. » Le groupe principal était admirablement posé pour que notre regard, passant entre deux fûts, embrassât toute la scène. Nous n'en perdions pas un mouvement. Les deux bandits, Langourdaine et Nicolas, étaient en arrière du coffre. Monsieur Amédée, qui n'avait pas lâché son cigare, remettait avec un calme affecté un peu d'ordre dans sa toilette dérangée. Je parie que les trois qui sont là par terre valent 50 000 francs pièce, l'un dans l'autre. Il va leur en sortir de partout. Voilà tout de même la Médée seule héritier à présent. Il a du toupet, oui, mais c'est le dedans de la malle que je voudrais compter. Ah, Mazette, on n'a pas voyagé loin, nous deux, mais on en a vu des histoires. Qu'on les épluche, ordonna en ce moment Monsieur Amédée. Il parlait d'une voix imposante, et si vous saviez comme il avait bien l'air d'un vainqueur, je n'ai pas vu Napoléon le lendemain d'Austerlitz, mais ça devait être tout pareil. Les deux bandits se mirent aussitôt en devoir d'obéir en disant à l'unisson avec une obéissance parfaite. « Oui, mon prince !»« Voilà deux farceurs, pensais-je, qui ont un drôle d'air. » Jean ne voyait pas cela. Il dévorait des yeux les vaincus pour voir ce qu'on allait leur trouver dans le ventre. Moi, plus avisé, je commençais à me dire que M. Amédée avait là, dans Langourdaine et Nicolas, deux aides qui pourraient devenir incommodes avec le temps. Après tout, pensais-je, quand même il lui demanderait les yeux de la tête, il aurait toujours bien de quoi les payer. Peut-être que M. Amédée avait démêlé, lui aussi, quelque chose de menaçant dans ce « Oui, mon prince » de Langourdaine et de Nicolas, car il leur dit de son ton d'empereur « Si je suis content de vous, il y aura pour boire. »« Ça, c'est bien gentil de votre part, » répondirent les deux galériens qui ricanaient tout bas. Et ils commencèrent à fouiller le paralytique, ou plutôt à lui arracher ses vêtements par poignées. Cela le soulevait de terre et, chaque fois qu'il retombait, il tressaillait faiblement. Il y avait de l'or dans ses poches, de l'or dans ses doublures, de l'or partout. Cela ruisselait hors de lui. Jean tremblait de convoitise. Moi, j'avais la fièvre. Le dernier lambeau de la chemise de patron François, en partant, découvrit une ceinture de maroquin fané qu'il portait à cru autour des reins. « Ah, papa !» cria Fifi Jacquet. « C'est tricher, vous m'en cachiez !»« Voleur, voleur, voleur !» râlait la vieille, qui s'écorchait dans ses liens. Où avait-il pris cet argent-là ? « Donnez-moi la ceinture !» commanda Amédée. « Voilà, mon prince !» Et à l'autre, pendant que Langourdaine et Nicolas, dociles comme des agneaux, se prenaient à Fifi Jacquet, M. Amédée palpait sa ceinture avec un sourire de satisfaction paisible. « Crois-tu qu'il y ait bien 20 000 francs dedans ?» me demanda Jean, dont la voix chevrotait de passion. « Laisse-moi regarder !» répondis-je. Fifi Jacquet ne se défendit pas. C'était le plus lâche des trois, et il se trouva moins bien rembourré que son père. « Bêta !» grommelait Jean. « Vois, il s'est embarrassé de pièces de 100 sous. Il a aussi sa cachette pourtant. » La chemise déchirée du malheureux venait de mettre à nu une manière de corset matelassé. Il poussa un cri d'angoisse quand on le lui arracha, comme si son âme se fût échappée de son corps. « Il vaut au moins 30 000 francs, » déclara Langourdaine. En ce moment, il se produisit une explosion, je ne peux pas trouver d'autres mots, dans la cervelle de la veuve Élie. Elle fut secouée par un éclat de rire aigu qui nous entra en vrille dans les oreilles et s'écria. C'est à moi les 20 000 francs, à moi les 30 000, avec les intérêts depuis le jour du vol, à moi, c'est à moi tout ce qu'on leur a retiré des entrailles, à moi encore tout ce qu'Amédée cache entre cuir et chair, car il en a aussi, il en a davantage, ils ont volé, ils ont pillé, c'est mon bien, c'est mon gain. J'ai pris sur mon sommeil, sur ma faim, sur ma soif, sur ma chair et sur mon sang. J'en vaux 10 comme ces gens-là. Ils ne seraient rien sans moi. J'ai damné mon âme, j'ai torturé mon corps sans jamais prendre une heure, une minute de repos ni de plaisir. J'ai jeûné, j'ai peiné, la bonne aventure au guet. C'est moi, veuve Élie, la vraie, la seule. J'ai ramassé, j'ai tondu, j'ai mêlé, pilé, allongé, falsifié, frelaté, râpé, rogné, gratté, creusé les poids, diminué les pots, haussé le fond des bouteilles, fourré de la cendre dans le poivre, de la terre dans la cassonade, de la colle dans les confitures. Il n'y a que moi. Mets-toi avec moi, Langourdaine, je t'épouse si tu veux, ou Nicolas, ça m'est égal. Je suis tout en argent, tout en or. J'en ai dans des coins, j'en ai dans les champs, j'en ai dans les murs, sous les tuiles, au grenier, à la cave. J'en ai partout. Écoutez, une affaire. J'offre 100 000 francs à qui écorchera mon neveu. 200, 300, personne ne dit mot. Je flanque le million tout rond. Sondez-la, commanda le neveu sans rien perdre de sa froideur. Les deux bandits se jetèrent assez gaiement sur la vieille qui bavait rouge. Mais ils reculèrent en hurlant. La joue de Nicolas était labourée de 2 sanglants sillons et la main gauche de Langourdaine n'avait plus que 4 doigts. Ce fut Monsieur Amédée lui-même qui dompta la terrible veuve. Elle essaya de mordre le talon de la botte qu'il appuyait contre sa poitrine, puis elle se tordit, grogna un gémissement et resta immobile, mais vibrante comme une couleuvre qu'on a coupée en deux. Nicolas tenait sa joue déchirée à 2 mains. Langourdaine pensait son doigt tranché. Ce fut encore Monsieur Amédée qui dut se charger de déballer sa tante, pour employer sa propre expression, car il faisait des mots, ce tigre épicier. Jamais je ne l'avais vu en meilleure humeur, et Jean était si fanatiquement curieux de voir l'ouverture de veuve Élie et ce qu'il y avait dedans, qu'il se glissa entre les 2 tonnes comme un ver et parvint à se rapprocher du lieu où se jouait l'horrible comédie. Moi, je me bornais à me hausser sur mes pointes pour regarder par-dessus son chétif individu qui bouchait l'interstice. Veuve Élie ne bougeait plus du tout. Le père et le fils se plaignaient encore par intervalles. Je ne pouvais voir ni Langourdaine ni son compère Nicolas dans la nouvelle position qu'ils avaient prise. La lanterne, posée à terre, envoyait d'aplomb sa lueur sur la figure terreuse de la vieille. Ses yeux écarlates étaient grands ouverts au milieu de la pâleur de sa face, sillonnée de rides où l'on aurait enfoncé le doigt. Il y avait du sang à ce bec d'oiseau carnassier qui était son nez et semblait tout souillé par une récente curée. Dans son immobilité, on devinait encore je ne sais quelle effrayante puissance. Auprès d'elle, Monsieur Amédée s'était mis à genoux, propre, tiré à 4 épingles, les cheveux bien collés à la pommade au devant de ses longues oreilles sans rebord. Sur sa figure qui, même en ce hideux moment, ne cessait pas d'être insignifiante et fade, il y avait un sourire affairé, peut-être un peu craintif, mais au demeurant bien aise. Il ne jeta son cigare qu'à la dernière extrémité, quand il fallut prendre un des outils qui avait servi à Langourdaine et à Nicolas pour dépiécer les hardes de patron François et de Fifi Jacquet. C'était tout bonnement des crochets de chargeur, ayant la pointe et la courbe voulues pour piquer solidement le sapin des caisses d'emballage. Il en donna du premier coup si violemment dans la vieille que la tige de fer disparut presque entière. La respiration me manqua, mais Jean se retourna. Il riait. « Pas de danger qu'il arrive à la peau » murmura-t-il en se penchant vers moi. « Elle a eu raison de le dire. Elle est toute en or. » Ce n'était pas de l'or pourtant. Mais ce n'était pas non plus de la chair. Quand le crochet fut retiré, brutalement comme il avait été plongé, la robe usée et plus friable que l'amadou se déchira en tous sens et donna passage à des liasses de papier. Le neveu poussa un grognement de satisfaction et se mit à piocher d'une main tandis que l'autre déblayait et fouillait. J'engage ma parole d'honneur que, ont guenillé en billets de banque, admirablement alternés, de façon à former des petits matelas, des coussinets, des remblais dont l'ensemble composait une sorte de forme humaine, Monsieur Amédée retira une masse beaucoup plus considérable que le volume apparent de sa tente. Et il resta encore au-dessous un squelette robuste dont les os montueux, noueux, fortement attachés, auraient pu servir à un singe de la grande espèce. Veuve Élie n'avait pas sur elle une seule parcelle de métal, excepté 11 sous de sous qu'elle portait dans sa poche. Les billets de 1000 francs étaient extrêmement rares à Saint-Malo en ce temps-là, mais les marchands de Jersey apportaient des banquenotes et la vieille avait collectionné toutes les petites coupures de 5 ou 10 livres sterling dont elle faisait le change usurairement. Il y en avait un monceau que Jean évalua à plus de 100 000 francs. Monsieur Amédée se mit à les compter avec soin sans plus s'occuper de sa tante qui gisait comme un paquet d'ossements sur le plancher de la cale. Il était très content et se frottait les mains tout doucement. « Les vieux, dit-il à ses deux aides, comme la damnée bonne femme vous a malmené, vous aurez chacun 500 francs de gratification. » Cette fois, Langourdaine et Nicolas gardèrent le silence. « Où sont-ils donc passés ? Demandai-je tout bas à Jean, car je ne les voyais plus. Au lieu de me répondre, Jean se mit à ramper à reculons pour se rapprocher de moi. Quelque chose me disait qu'une subite terreur venait de le prendre, qui n'avait pas trait aux événements dont nous venions d'être les témoins. Pendant qu'il repassait à grand-peine entre les renflements des 2 tonnes, M. Amédée demanda sans se retourner. « À quelle heure est le plein de l'eau ?»« À 8h30, lui fut-il répondu. « Et quelle heure est-il ? » Nicolas tira de son gousset la montre d'argent de patron François et dit « 8h20. » « Ils vont partir avec la marée, pensais-je, mais qui manœuvrera ? » « Est-ce 8h du soir ou du matin ? » murmura Jean qui me rejoignait. « Va, ils ne manqueront pas de monde à la manœuvre. » Ces derniers mots de Jean ne me frappèrent point. Je ne fis attention qu'à sa question et je répondis. « C'est 8h du matin, parbleu !» Car le temps m'avait semblé long comme toute une nuit depuis le départ de l'équipage. Mais juste à ce moment, le silence qui régnait au dehors prit fin. Nous eûmes comme un écho de musique militaire et un bruit lointain d'acclamations par-dessus lesquelles un cliquetis de pétards se fit entendre. « C'est le feu d'artifice !» me dit Jean. « Nous sommes encore au soir !» « Si je m'en tire, mon premier argent sera pour m'acheter une montre. C'est trop bête de se tromper comme ça. »« Parez-vous à profiter du jusant pour partir, » reprenait en ce moment M. Amédée. « Nous avons la veine, il fait un temps de demoiselle. Rien qu'avec le reflux, nous doublerons la Hollande, et avec le vent sursuroi qui souffle en mignonne brise, nous irons à Jersey grand largue sans changer les amures de notre voile de rechange. » « Une vraie promenade d'agrément, quoi, mon prince ?» répondit Nicolas, dont l'accent me sembla tout à fait goguenard. Jean se collait contre moi. Il ne m'avait encore rien dit qui pût m'initier au motif de ces frayeurs nouvelles, excepté ces mots que je n'avais pas compris. « Ils ne manqueront pas de monde à la manœuvre !» Mais il y a des pressentiments autour de tout danger mortel, et, d'instinct, je me sentais frissonner. « Tu as vu quelque chose ?» balbutiai-je. Comme je disais cela, je vis M. Amédée se retourner et perdre subitement toute sa tranquillité. Il fit un pas en arrière et changea de couleur. « J'étais sûr que tu avais vu quelque chose, » m'écriai-je. « Cette chose-là, il vient de la voir à son tour. Qu'avais-tu vu ? Qu'a-t-il vu ?» En demandant cela, je fis un mouvement pour m'élancer en avant, car l'angoisse me prenait, et il me semblait que notre mort était là, à 2 pas, cachée par cette muraille de tonne qui barrait de tous côtés nos regards. Jean s'accrocha à mes habits. « Il ne pense pas à nous, » me dit-il d'un ton suppliant. « Ne va pas les attirer sur notre dos. » Je voyais M. Amédée tout blême, qui avait pris à la main un pistolet à 2 coups et qui l'armait. « Ah, » dis-je, croyant deviner, « il se révolte. Eh bien, il y a de quoi leur faire leur affaire. » Mon prince, dit en ce moment la voix de Langourdaine, vous n'avez que 2 coups à distribuer entre 5. C'est trop court. 5, répétai-je. Aucun membre de la famille Élie n'était pourtant ressuscité. Une voix que je ne connaissais pas et qui était rouillée comme un sang de clou dit « Voilà un bon petit bourgeois qui sait compter, j'en suis sûr, et mieux que nous. Qui de 5 ôte 2 reste 3, eh ? Je suppose que les 2 coups portent, et ce n'est pas sûr. On aura toujours 6 paires de petites mains bien propres pour ôter le goût du pain au monsieur. » Il y eut un silence. À mon regard qui interrogeait avidement, Jean répondit. « C'est les 3 renégats que ta maman tapait ton papa quand il allait boire avec. » « Il y en avait, Dieu merci, plus de 3 à Saint-Malo dans ce cas-là. » Au dehors, la salve réglementaire des 21 coups de canon précédant le feu d'artifice avait commencé, et le long du quai, une clameur se propageait. Monsieur Amédée, cependant, était un gars beaucoup plus résolu que je ne le pensais. Après avoir hésité un instant, il leva son pistolet. « On va tâcher de faire coup double, » dit-il. « C'est ça, cadet !» lui fut-il répondu. « Tire pour Louis-Philippe !» En même temps, nous entendîmes un bruit confus entre les tonnes. Les 5 bandits s'égayaient, comme on dit chez nous. Ils jouaient à cache-cache, et Langourdaine passa à toute course à l'endroit où nous étions la minute d'auparavant. Par bonheur, nous avions changé de place pour tâcher de mieux voir. Dans l'espace libre, Monsieur Amédée était seul debout, près de la malle cerclée de fer, au milieu des autres élis renversés. Nous pouvions comprendre maintenant ce qui avait porté au comble tout d'un coup son épouvante. La vue des 3 renégats, comme Jean les appelait, avait suffi assurément pour inquiéter son triomphe, mais il aurait à tout le moins demandé des explications. Certains gros tas de paille et de menus bois, amoncelés au pied d'une tonne, auprès de la chandelle qu'on avait mise hors de la lanterne, lui épargnait ce soin. C'est cela qu'il avait vu en se retournant. Et cela ne s'expliquait que trop de soi-même. C'était un bûcher tout préparé avec ce qu'il fallait pour l'allumer. Après la bataille entre renards, les loups venaient. Élie Neveu s'était pris à son propre traquenard. Il avait éloigné l'équipage et attendu que le dernier traînard fût parti. Il avait mis hors de combat ses parents, et maintenant, au lieu de le mener à Jersey, où l'impunité et l'opulence l'attendaient, ses 2 complices, aidés des 3 recrues dont il s'était précautionné, allaient lui infliger la peine du talion, hériter de son énorme proie et se sauver tranquillement, après avoir laissé derrière eux l'incendie pour masquer le carnage accompli. Un incendie d'alcool que nulle puissance humaine ne pourrait éteindre une fois qu'il serait allumé. Je ne peux pas affirmer que la compréhension de cet abominable plan me vint à l'esprit nettement et d'un seul bloc à ce premier instant, mais il est certain que j'en devinais assez long pour n'avoir plus ni bras ni jambes. Ma tête se vida, je me sentis perdu. Jean avait compris aussi car il se mit à gémir tout bas en se tordant les mains. « C'est pour le coup que la pacotille est cuite et nous aussi, saperbleur de bois. J'aimerais encore mieux voir Monsieur Amédée hériter de tout le butin que d'être grillé par ces gredins-là. » Je ne sais pas où ils étaient, les gredins, mais nous les entendions à droite et à gauche qui s'entrappelaient et se disaient « Des barres d'anspect, des douves, n'importe quoi, fonçons sur lui de tous les côtés. Les Hollandais peuvent revenir. Finissons ça en 2 temps au risque de recevoir une prune. » « Rien que dans la malle qu'on n'a pas encore ouverte, il y a de quoi acheter Saint-Malo. » Monsieur Amédée, qui les entendait aussi parler et courir à droite, à gauche, devant, derrière et partout, tournait et retournait sur lui-même comme un effaré. Il visait, il n'osait tirer. La sueur froide coulait par-dessus la pommade de ses cheveux. Il fut un bon moment avant d'avoir idée de crier. Quand il essaya, enfin, sa voix tomba à ses pieds, mangée par tous les bruits qui venaient du dehors. Le tremblement le prenait, son premier coup partit, et je crois que ce fut au hasard, du moins n'eut-il aucun résultat. Et les 5 bandits y répondirent par un sauvage « Hourra !» Il n'eut pas le temps de redoubler. Un cruchon lui arriva à travers la figure, tandis qu'une barre d'anspect, lancée par une main invisible, lui fauchait les deux jambes. Il tomba. 3 secondes après, il gisait garrotté entre veuve Élie et patron François. Le reste ne fut pas long. Le butin fut réuni en paquet à la hâte et l'on mit le feu sans autre retard au tas de paille et de fagots qui allaient servir de torches pour allumer le genièvre. « Quel punch !» dit cette atroce Langourdaine. « On n'aura jamais vu pareille flambée. C'est tout de même dommage de perdre tant de squidames première qualité. Mais ça nous met blanc comme neige vis-à-vis de la justice. Allez donc chercher là-dessous les os de la famille Élie, un petit tas de charbon au fond de l'eau. »« Et là, oh !» cria Nicolas. « Y est-on ? En route !» Chacun se chargea. Langourdaine traînait la malle au linge. La porte principale fut ouverte au milieu des éclats de rire des bandits, entrecoupés par les supplications de M. Amédée qui avait retrouvé la voie et qui promettait pour prix de sa vie tout ce que les autres emportaient déjà. Mais nous, eh bien, c'était assez clair. Nos os devaient faire partie du petit tas de charbon au fond de l'eau. Nous étions restés d'abord comme étourdis du coup. Puis Jean, toujours tendre quand il avait peur, s'était attaché à moi, disant avec des larmes de repentir. « J'ai menti, Corentin, je t'ai fait des histoires. Jamais veuve Élie ne m'a donné du vin d'Espagne. Je ne suis pas plus fin que toi ni plus hardi. Je respecte bien maman Quimper, et c'est toi qui aurais épousé Fanchette sans la circonstance que nous allons mourir tous les deux. Veux-tu me pardonner, mon cousin ?»« Oui, de bon cœur, répondis-je. Tout ça, c'est des défauts de ton malheureux caractère. » « Pas plus mauvais que le tien ? » commença-t-il. Il s'interrompit humblement pour ajouter. « Tu as raison, mais prends une hache, mon Corentin. »« Eh bien, et toi ? » ?»« Ah, moi aussi, mais tu es mon supérieur. Veux-tu nous embrasser pour la dernière fois ?» C'est sûr qu'on y alla de bon cœur, et nous avions tous deux la larme à l'œil. Si vous vous mettiez dans l'idée que nous ne nous entraînions pas, Jean et moi, c'est ce qui vous tromperait. Il n'y a pas eu dans l'univers beaucoup d'amitiés plus longues et plus étroites que la nôtre. Jean prit une hache, et moi de même, moi la plus lourde. À l'instant où les bandits commençaient leur retraite, nous étions lui et moi à 2 pas d'eux, masqués par les futailles, et nos haches levées, toutes prêtes à taper. De belles et bonnes haches, j'en réponds, et bien emmanchées, du moins la mienne. Je ne voudrais pas prétendre que nous fussions très préoccupés de l'idée de venger le commerce, mais il est bien certain que l'étonnant prestige des Élie subsistait toujours pour nous, malgré leurs torts et leurs défaites. Nous étions des soldats de leur armée, et ce sentiment superstitieux qui fit croire aussi longtemps aux vieilles moustaches de Napoléon que leur empereur ressusciterait un jour ou l'autre, subsistait en nous. Veuve Élie avait été si longtemps notre empereur. Notre plan comportait pour un peu l'espoir et la volonté de punir les assassins de la maison Élie, et Jean comptait même obtenir encore une prime, pour cela, du gouvernement. Nous avions résolu de nous glisser derrière les renégats opérant leur retraite, et de rester inaperçus tant que nous pourrions, mais de les tailler tout uniment en pièces s'ils venaient à nous découvrir. Ce n'était pas mauvais, ce plan-là. Il ne s'agissait plus que de le mettre à exécution. Seulement, Jean grelottait, et j'avais une maîtresse colique. Nous avions affaire, et nous le savions, à cette coterie de coquins cosmopolites qui ne sentent ni mort ni remords, scélérats cuirassés de service, ayant roulé dans les infamies des deux mondes, essuyé toutes les fanges, collectionné tous les vices, souillé tous les métiers, renié toutes les croyances, et dont rien ne saurait étonner la calleuse férocité. Vrais fauves à face humaine, sans Dieu, sans loi, n'ayant pas plus de conscience que de nerfs, et aussi complets dans le crime que les Élie eux-mêmes dans la rapine. Nous n'avions rien à espérer d'eux en fait de scrupules ou de pitié, rien à espérer non plus en dehors d'eux ou contre eux, puisque les Hollandais croyaient avoir laissé le navire à la garde de Mynheer Abraham et ne devaient avoir, cette nuit, d'autres soucis que de promener leur joie de cabaret en cabaret. Si faible que fût notre chance de vaincre, il n'y avait qu'elle entre nous et cette terrible fin mourir grillé à fond de cale. Il m'est arrivé de prier ferme en ma vie, mais pas si dur que cette fois-là, et Jean fit comme Laurent Bruant, il promit quelque chose de bon à Sainte-Anne. La paille et le menu bois jetaient un épais nuage de fumée, mais ne flambaient pas encore, mouillés qu'ils avaient été par l'invasion de l'eau pendant la tempête. Langourdaine et ses acolytes ne voulaient pas partir avant d'être bien sûrs que le feu se communiquerait aux futailles. C'était la garantie de leur impunité. Ils s'impatientaient, et pourtant tout avait marché si rapidement jusque-là que la salve des 21 coups de canon durait encore. Langourdaine eut une idée. Il prit deux cruchons de genièvre et les toqua l'un contre l'autre au-dessus du foyer. Les deux cruchons se brisèrent, le genièvre coula et la flamme jaillit. Il s'élança aussitôt dehors en criant « Adieu va, ça y est, lâchez tout, bonsoir les voisins, nous serons encore à temps pour voir le bouquet du feu d'artifice. » « Y es-tu ? » dis-je à Jean, qui me sembla reculer un peu au lieu d'avancer. Mais il avait peut-être raison, car Langourdaine se ravisa sur le pas de la porte et fit volte-face, disant « Ah, oh, saperlotte ! Et les deux crapauds que nous avions oubliés !» J'entendis les dents de Jean claquer. Nicolas répondit « Qu'est-ce que ça fait ? On va fermer les coutilles en haut et dans 2 minutes ils seront au four !» C'était trop vrai, car le ramassis de bois flambait déjà comme un pudding au rhum. « Je donne mon cœur à Dieu !» dis-je, voyant que le dernier renégat se disposait à tirer la porte derrière ses camarades. « Au petit bonheur, je vas faire mon ouvrage !» Et je lançai ma hache en plein dans la nuque du gredin qui tomba en travers du seuil. Les autres se retournèrent furibonds. Jean commença à me renier, criant « Ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi !» Et il se sauva Dieu sait où. Mais au moment où Langourdaine m'empoignait par les cheveux, une voix sombre tomba du ciel qui parlait plus haut que le canon de Louis-Philippe et qui disait « On va leur donner du tabac tout leur comptant ! À qui le tour ?» En même temps, le bruit des bottes de maman Quimper se fit comme si un escadron de grosse cavalerie descendait au trot dans le bâtiment, et la chère petite voix de Fanchette arriva de plus loin, disant par-dessus le tapage « Où es-tu, mon Corentin ? Parle vite pour qu'on voie bien que tu n'es pas mort !» Je ne sais à quoi comparer l'entrée de maman. On chercherait jusqu'à l'année prochaine sans trouver rien qui puisse donner une idée de cet ouragan-là, excepté le tonnerre de Brest, et je ne l'ai jamais vu. Langourdaine, Nicolas et les deux renégats qui restaient, car je n'en avais guillotiné qu'un, refoulés à travers la porte comme un pilon, furent lancés tête première, et, à la place qu'ils laissaient vide, la figure de maman se montra, embéguinée dans un mouchoir de cholet, pour cause que le maréchal Ferrand lui avait arraché, justement ce matin, 2 dents qui avaient la rage. Le côté droit de sa joue était gonflé comme un ballon. Elle avait l'air d'une lionne qu'on soignerait en traitement pour une fluxion, et pas plus étonnée que dans sa cuisine avec ça. « Mort de mes choux !» dit-elle en ouvrant ses narines à 2 battants. « Ça sent bon le squidam brûlé ici. Les faillis chiens allaient tout de même mettre le feu à la barcaille. Où est mon argent ?»« Bonjour, Corentin. Te voilà bien maigre. Ça t'apprendra à faire à ta tête, petite merluche. » Elle attrapa l'épaule de Langourdaine qui fut démise du cou et le lança sous son bras droit. Nicolas était déjà sous son autre aisselle. Elle avait son idée d'éteindre le feu. Et comme il n'y avait pas d'eau à fond de cale, elle colla les 2 gredins sur l'endroit allumé qui n'était pas encore bien large et s'assit par-dessus. Ça suffit, la paire de coquins fut endommagée, mais le foyer s'étouffa comme sous un été noir. Fanchette avait des ailes comme un oiseau. Elle répétait en riant et en pleurant « Ah, Corentin, mon pauvre cousin Corentin !»« Me voilà aussi, cousine Fanchette !» voulut dire Jean Piteux, qui s'arracha de quelques trous. « Mais je t'en souhaite !» Derrière Fanchette venait l'abbé, tout pâle, et derrière encore papa Quimper, qui avait un beau noir sous l'œil bien frais, avec la boursoufle toute neuve qui se formait autour, le cachet de maman. J'aime mieux dire tout de suite ce qui était arrivé pour ne rien laisser en arrière. Ça expliquera pourquoi maman avait demandé, lors de son entrée, « Où est mon argent ?» Ce soir, une heure auparavant, on était donc dans les larmes chez nous, à bord de la jeune Émilie. Par la nouvelle qui venait d'arriver de la perdition de la Marie-Pauline, sur laquelle nous étions censés embarquer, Jean et moi. On nous croyait morts. En plus, maman avait l'humeur mauvaise, à cause de l'arracheur de dents qui lui avait emporté la mâchoire et qu'elle avait payé en monnaie de taloche comme de juste. On avait tardé tant qu'on avait pu à lui raconter l'histoire de notre départ de chez nous en évasion, mais il avait bien fallu s'exécuter à la fin. L'abbé, le douanier dont on avait emprunté la barque, le nègre Coco qui l'avait mené, et surtout Fanchette, la vraie coupable, avait reçu promesse d'un avancement rapide. Papa Quimper s'était esquivé prudemment, quoiqu'il fût plus innocent que l'enfant qui vient de naître. « Vous m'en répondrez tous sur vos méchants os !» avait dit maman. « De m'avoir péri un cinquième gars, un vrai Corentin coiffé pour le commerce !» Sur ces entrefaites était arrivée mademoiselle Sidonie la sauvage aux coquilles, racontant de son mieux et fidèlement la bête d'histoire imaginée par Jean Piteux et que je vous ai dite. Je crois bien que Fanchette devina du premier coup, car elle avait plus d'esprit qu'une fée. Mais les autres pataugèrent dans les Hollandais, les pirates, le fils de l'armateur, son domestique, etc. Et, finalement, maman jeta mademoiselle Sidonie à la porte comme ayant un air louche qui ne lui revenait pas. De plus, elle défendit à Fanchette de bouger. Fanchette pleura et lui reprocha d'être une mauvaise mère, car elle avait son franc-parler. L'abbé était au désespoir. Vers 8 heures arriva papa, un peu chaud de boire, de ce que lui avait versé Langourdaine en discutant le marché pour raccommoder la gabarre. Papa, comme c'était l'habitude, paya pour tout le monde. Il eut son noir sous l'œil et demanda à s'aller coucher avec ça. Mais maman en avait trop gros sur le cœur. Elle voulut redoubler et papa se fâcha. Dans sa colère, il dit que si on l'ennuyait, il s'en irait avec les Hollandais et Langourdaine. Vous savez bien que, celui-là, maman le connaissait depuis longtemps pour ce qu'il était. Et par bonheur, mademoiselle Sidonie avait aussi parlé de l'ancien ours du cirque, devenu pirate, qui avait invité aujourd'hui même tous les écuyers à faire ripaille à bord de la gabarre. Maman fut frappée de cette coïncidence au point de laisser son mari en repos et se mit à réfléchir laborieusement. Puis elle poussa dehors tous les chalands qui étaient dans son cabaret, quoique ce fût jour de grande recette, et leur commanda, sous les peines les plus sévères, d'aller l'attendre à la grande porte en dehors des murs. Puis encore, ayant chaussé ses bottes et mis un chapeau de matelot par-dessus sa marmotte, elle dit « Je ne comprends pas encore très bien la circonstance, mais pour me trotter comme ça dans la tête, faut qu'il y ait quelque chose d'étonnant d'arriver. L'enfant était le cinquième garçon, destiné au commerce. Ça ne serait pas impossible qu'il aurait échappé par un miracle. On va voir, il en vaut la peine, le petit bonheur est le bon Dieu. » Et elle sortit, suivie de toute la famille. Il n'y avait pas eu autre chose, et maman n'en savait pas plus long que cela quand elle arriva sur le pont désert de la gabarre. Là, un petit malheureux qui m'avait remplacé chez les Élie en qualité de moulin à café et qui servait de seconde béquille à la veuve, était seul et tout tremblant. Il dit à maman qu'on avait tiré un coup de pistolet à fond de cale, où il avait cru entendre des batailles et des gémissements, et il lui montra la fumée qui commençait à sortir par les écoutilles, venant du bûcher allumé par Langourdaine. Après quoi, il se tut. Maman lui donna à choisir entre 2 sous et 1 raclée. Le petit choisit les 2 sous et raconta la goinfrée que les Élie avaient faite dans la cabine du gros Hollandais, Mignor Abraham, qu'ils appelaient quelquefois Monsieur Langourdaine. Il dit que tous les autres Hollandais étaient partis dans le chariot du cirque, et il ajouta en pleurant qu'il croyait bien qu'on allait l'emmener loin, loin jusqu'en Angleterre. Or, voici le moment de vous apprendre que les économies de maman Quimper, montant à 500 ou 600 écus, étaient solidement placées chez les Élie. C'était donc bien pour moi que maman était venue, mais ses économies étaient peut-être pour quelque chose, dans l'orageuse impétuosité de son entrée en scène. Dame, elle avait du mal à gagner ses sous, elle y tenait, et voilà pourquoi sa seconde parole, après m'avoir dit bonjour, fut « Où est mon argent ?» Dieu merci, il n'était pas perdu. Il y avait avec papa deux ou trois de mes frères et autant de mes sœurs qui saccageaient déjà les paquets faits par les renégats, ceux-là on les avait ficelés à la place des paquets. Et la pauvre famille Quimper, qui n'avait jamais vu le quart de tant de richesses, maniait l'or et l'argent à poignée en piétinant les banquenotes et les billets. Jean s'était mis là-dedans jusqu'au ventre et criait « C'est de bonne prise, nous sommes sur mer, tout ça est à moi et à Corentin, que les pirates ont voulu nous mettre à mort, et c'est la même chose que les victoires et conquêtes de Monsieur Surcouf. C'est à nous tout, et on aura encore en sus la prime du gouvernement. » Mes frères et mes sœurs n'étaient pas éloignés de partager son avis, et papa, pour expier ses liaisons d'ivrogne avec Langourdaine, employait la belle voix qu'il avait à énumérer les crimes des pirates. Pendant ce temps, il emplissait déjà ses poches, de même que Jean et les autres, pour faire comme Monsieur Surcouf. « Halte !» ordonna maman. « À bas les pattes partout !» Tout le monde lui obéit, comme toujours. Il n'y avait plus trace d'incendie. Langourdaine et Nicolas, qui avaient servi à l'éteindre, ne remuaient ni pied ni aile. « Qu'on ne touche à rien !» reprit maman. « Et trouvez-moi la brave Madame Veuve Élie !»« Ils sont tous ici !» répondit l'abbé qui était agenouillé auprès de la vieille. « On les a assassinés !» Maman se leva. « J'en étais sûre !» s'écria-t-elle. « C'est malheureux, mais j'aime mieux ça que si une maison calée comme les Élie, et avec tant de crédit, aurait voulu faire du tort à une pauvre veuve. C'est moi que j'entends, n'ayant de mari qu'un quart d'homme, paresseux et porté sur la boisson de sa bouche. » Papa ne protesta pas. Moi, je voulus montrer les Élie pour ce qu'ils étaient et dire un peu ce que nous avions vu. Mais maman me renfonça les paroles dans la gorge, comme si j'eusse vomi des blasphèmes. « Coupe ta langue, toi, museau !» me dit-elle sévèrement. « Ne diminue pas ta belle conduite par des inconséquences contre des personnes établies. Je t'ai vu la hache à la main, tout seul contre plus de 20 scélérats, et j'en témoignerai en justice. C'est toi qui as tout sauvé, et ça ne pouvait pas être autrement, étant cinquième garçon. Ne parle pas contre le commerce qu'est ton étoile. » « La vieille dame respire encore, » dit en ce moment l'abbé. « Et le paralytique bouge, » ajouta Fanchette, « et l'autre aussi. »« Ça, » dit maman, « ça les regarde, et leur médecin. J'ai idée qu'ils ne mourront jamais. Vous autres, attention à la manœuvre, qu'on aille chercher les amis de la buvette ici près à la grande porte, où je leur ai commandé de m'attendre. Ils vont aider à enlever les renégats. » Que je signerai une pétition pour qu'on les exécute à l'échafaud, quand même ils seraient morts d'avance de leur brûlure, pour avoir voulu rafler mon argent avec l'actif des Élie et faire ainsi du tort à tout le commerce de Saint-Malo en bloc. Au contraire, on va charger la maison Élie, bien doucement, sans lui faire de mal, à aucun de ses membres, ayant de quoi payer le coton dans quoi on les mettra. Et si j'avais l'or gros comme moi, je leur confierai mon magot, les yeux bandés, aujourd'hui comme hier. Corentin a mal vu, mal entendu, des gens si riches et si avares, ça ne peut jamais être fautif. Approchez ici, monsieur Quimper, si tu veux qu'on te pardonne. » Papa vint, et à mesure qu'arrivaient les habitués de la buvette qu'on était allé chercher, ils se rangeaient en bataille aux environs de l'entrée. En présence de cette assemblée, maman prononça le discours suivant au milieu d'un religieux silence. On va tous censés remonter en procession pour célébrer la circonstance du fils Corentin qui a délivré un bâtiment marchand des horreurs de la tempête et de la piraterie et qu'il l'a ramené, je ne sais pas d'où, malgré qu'il avait précédemment embarqué sur un autre navire à Madame Surcouf qui a fait naufrage en Angleterre. Voilà la chose drôle. Comment ça a pu arriver? Ne vous inquiétez pas et je m'en moque. Il paraît que la gabarre était en outre infestée de sauvages. « Mais c'est que c'est vrai ?» s'écria Jean pour avoir au moins un brin de compliment. « La paix piteux !» dit maman. « Toi, tu viens dans le tas. Le fils Corentin les a tous flanqués en déroute, à volonté par son courage, et, de fil en aiguille, s'étant aperçu que tout autre chiourme de force à libérer, renégat, chauffeurs et bagnants s'étaient introduits à bord avec la maison Élie qui est venue là comment ? Cherche. Pourquoi ? Pioche. Dont, nonobstant, ils sont victimes et pas coupables. J'entends les Élie, auxquels tout le commerce a intérêt qu'ils conservent leur crédit. Où en étais-je ? Au fils Corentin, qu'il a démoli les Nicolas et les Langourdennes à coups de hache. Pour ça, j'en suis témoin, et n'ayant pas pu empêcher à cause de son jeune âge qu'on entame un petit peu la veuve et les autres, il les a préservés par moi, sa maman, de l'incendie général final qui devait couronner tout ça, à l'abri de la fête, ni vu ni connu, pendant que les criminels prendraient la poudre d'escampette dans l'obscurité. Je le jure !» Elle respira vigoureusement. Elle étouffait de cette phrase-là, dite sans point ni virgule, et acheva. « Par quoi ? Il faut un brancard et des drapeaux assortis pour le fils Corentin, croisés au-dessus de sa tête, et Monsieur Quimper, qui a de l'organe, est chargé de suivre par derrière pour héler la proclamation à travers la foule du feu d'artifice. Criez vive la joie si vous avez bon cœur !» Il y eut un formidable applaudissement et tout fut fait comme maman l'avait commandé. Pendant qu'on me hissait sur le brancard, je pus voir la résurrection de trois des Élie qui se remirent l'un après l'autre sur leurs jambes, la vieille maudissant, menaçant, nous appelant tous voleurs et invoquant contre nous la cour d'assises. Quand elle sut que sa caisse était sauvée, elle dit pour nous remercier « On comptera !» Et vous serez bien obligé de rendre ce que vous avez détourné, tas de pillards. » Fifi Jacquet eut un cri du cœur. « Comment ? La damnée bonne femme n'en est pas morte ?» Quant à patron François, il se leva droit comme un i. Il n'était plus paralytique. Il n'y avait de vraiment endommagé que M. Amédée le neveu, dont la barre d'anspect avait démoli les deux jambes. Quand notre procession de triomphe arriva sur le pont, ça se trouva juste à point que les fusées éclairaient tout le quai, en même temps que les navires pavoisés envoyaient du haut de leur mâture mille et mille lueurs de lanternes. La gabarre était si près du môle qu'on n'eut qu'à jeter des planches pour faire une passerelle. C'est ici que la voix de Stentor, dont papa Quimper était doué, fut véritablement utile. Au signal donné par maman, il monta sur le bordage et cria « V'là du nouveau ! Oh ! On s'est occupé du roi, momentanément le cinquième fils à Madame Quimper et à moi, dont sa belle conduite va être couchée au long dans les journaux n'a d'égal que Monsieur Surcouf. Oh oh oh ! Encore un malin de Saint-Malo ! » Malgré le feu d'artifice qui marchait comme il pouvait, tout le terre-plein de la grand-porte fut bientôt bondé de monde qui tournait le dos aux fusées. La basse taille de papa valait un demi-cent de clairon. À travers la foule, le bruit de ma gloire se propageait avec une rapidité inouïe. Quand je montais sur mon brancard que portaient les quatre meilleures pratiques de la jeune Émilie, les premiers qui m'aperçurent s'étonnèrent de me voir si noir. Mais maman n'eut pas de peine à expliquer que je sortais d'un incendie marin, à fond de cale, toutes portes fermées, c'est les plus dangereux, sans compter que j'avais passé à travers le feu de la bataille, toujours à la bouche des canons. Il y en avait qui demandaient quels canons. Maman leur répondait qu'ils étaient de Saint-Servan, grosse injure à Saint-Malo, et elle racontait le naufrage de la Marie-Pauline, de sorte qu'en su de tous mes autres mérites, je me trouvais aussi avoir été noyé. Comme nous arrivions devant la grande porte, on allumait le feu d'artifice qui avait l'air de partir pour éclairer mon triomphe. Mes porteurs étaient eux-mêmes portés par la foule enthousiaste. Personne n'avait rien compris à l'histoire de maman, c'est ce qu'il faut. Mon nom était dans toutes les bouches. Ai-je besoin d'ajouter que pas un ne prononçait celui de Jean Piteux, qui marchait derrière, à son rang, perdu parmi le petit peuple, comme cela se devait. La sous-préfète me sourit. La dame du maire essuya ses lunettes pour me regarder. Les gens même que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam essayaient de me toucher la main en passant pour s'en vanter plus tard. Voulez-vous savoir ce qui me remua le cœur ? Ce fut de voir les deux vieilles demoiselles Luminet tomber dans les bras l'une de l'autre et fondre en larmes en me reconnaissant. « C'était notre plus mauvaise élève !» disait mademoiselle Camille. Mademoiselle Hippolyte répondait « Voilà ce qu'il est devenu, et ça n'a coûté que 20 sous par mois à sa famille. » Pendant que je les regardais avec bonté, deux voix fraîches s'élevèrent non loin de moi, disant « Nous sommes pourtant ces sœurs de lait, nous ?» Je tournai la tête. C'étaient mes deux sœurs de lait, Mademoiselle Marie et Mademoiselle Jeanne, qui se faisaient honneur de moi, et les deux cancalaises mettaient des baisers plein le creux de leurs mains pour me les souffler à la volée. Il n'y a pas à dire, la gloire, c'est gentil pour un jeune homme. Ici finit le récit de ma première aventure avec Jean Piteux, connu dans tous les ports de mer sous le nom du voyage de Corentin Quimper en Amérique. Si elle présenta de grands périls, on peut en juger par le nombre des décès qu'elle mentionne dans l'espace de 5 jours, sans même compter Isidore et Nicolas Langourdaine, dont les brûlures ne tournèrent pas bien. Mignard-Klotz et les Hollandais se rembarquèrent pour la Hollande avec leur genièvre et leur riz. Le cirque olympique continua de fleurir à Saint-Servan, où Mademoiselle Sidonie, avec patience et longueur de temps, parvint au grade de femme colosse. Quant à la maison Élie, on n'en parla plus que chapeau bas. Le bruit de la tentative de déroute à Jersey s'était bien répandu çà et là sourdement, mais on se donna le mot pour faire semblant de n'y pas croire. Ce qui resta acquis, c'est que les renégats avaient été sur le point de rafler au Élie plus de 100 000 francs d'argent de poche. Sans compter la malle au linge. Cette malle prenait des rayons la nuit et luisait comme un soleil dans les rêves de toute la ville de Saint-Malo. Mais voici où se montre le doigt de celui qui juge tout, même le commerce. Lors de mon départ pour mon second voyage, tous les Élie se portaient comme des charmes. Quand je revins, il n'en restait plus un seul. Veuve Élie était morte de la jaunisse, patron François du croup, Fifi Jacquet d'un mal blanc, Monsieur Amédée lui-même, tout brillant de jeunesse et de prospérité, car il avait recueilli les successions des 3 autres, et on allait le nommer député pour sa peine, était mort de son argent qu'il veillait jour et nuit. Et voulez-vous savoir qui profita de tout le tourment que s'étaient donné Veuve Élie et patron François et Fifi Jacquet et Monsieur Amédée pour aller tout droit au fond de l'enfer sans emporter seulement un sou de leur magot? Ne cherchez pas, je vais vous le dire. Ce fut un vieux malheureux qu'on croyait défunt depuis longtemps et qui sortit de son trou comme une chauve-souris pour reluire tout d'un coup mieux qu'un soleil. Vous vous souvenez bien de lui, Élie Pinsec, celui que nous vîmes un jour foudroyé par Veuve Élie pour avoir demandé de la moutarde. Il avait jeûné pendant 70 ans et porté des haillons et passé pour une bête. Du jour au lendemain, il eut tout l'esprit de Saint-Malo, toutes les truffes de Saint-Malo, les plus beaux habits de Saint-Malo, et la plus belle demoiselle de Saint-Malo devint Madame Élie. Le monde est une drôle de boutique à Saint-Malo comme partout. Un dernier mot sur moi. J'avais supporté très bien mes dangers et mes traverses, mais dès que je fus à l'abri, au sein de ma famille, la nature reprit ses droits. J'eus la fièvre si forte que je faillis trépasser tout sottement dans mon lit. Pendant plus de 8 jours, à ce qui m'a été dit depuis, je restais sans connaissance et aussi insensible qu'un madrier de vieux bois. Heureusement que maman Quimper estropia le médecin, je me rétablis. Un soir d'été, qu'il y avait grand festin à bord de la jeune Émilie, justement pour célébrer ma convalescence, j'étais assis sur mon séant et j'écoutais les joyeux bruits de la table à travers la cloison. On venait de demander une histoire à papa Quimper et j'eus une agréable surprise en voyant qu'au lieu de rabâcher l'éternelle aventure de Laurent Bruant, papa racontait tout bonnement mon premier voyage avec ses nombreuses et surprenantes péripéties. C'était intéressant. Mais je ne pus m'empêcher de dire, me croyant tout seul, « Là-dedans, on donne trop d'importance à Jean Piteux. »« C'est bon !» fit auprès de moi la voix pointue de mon cousin qui me gardait. « Te voilà guéri puisque ton mauvais cœur te ressort de l'estomac. Si on racontait l'histoire au vrai, ta part tiendrait dans ma dent creuse. Veux-tu savoir du nouveau ?»« Oui, » répondis-je. « Eh bien, petit Guerne a fait fortune et on va repartir, nous deux. »« Partir pour où ?» demandai-je. « Écoute, si tu veux savoir. Dans la salle commune où l'on mangeait, maman venait de prendre la parole. Elle disait « Il y a donc mon chéri de Petit Guerne, marquis des pieds à la tête et bon enfant, ne nous a pas oubliés comme j'en avais eu peur. Par suite de sa beauté de naissance, il est en train d'épouser la jeune princesse qui lui rachètera ses domaines de famille situés sous le niveau de la mer. Par ainsi, l'Amérique n'étant plus le pays où l'on fait fortune dans le commerce, pour cause qu'elle a été dégommée par Paris, capitale de la France et de Bretagne, on va envoyer dans cette dernière ville notre Corentin, cinquième gars et coiffé, avec Jean Piteux pour lui porter son sac. » Jean se fâcha, mais je ne pus entendre ce qu'il grommela, parce que la jeune Émilie trembla depuis la girouette jusqu'à la quille. Maman avait terminé son discours par cette acclamation qui fut répétée en tonnerre. « Vive défunt monsieur Surcouf, d'abord et par après, mon cinquième coiffé qui en a déjà fait presque aussi long que lui, avant le premier poil de sa barbe. Vive Corentin Quimper et le commerce !» Quand le bruit s'apaisa, maman reprit d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Lève-toi, monsieur l'abbé, et fais ton signe de croix. J'ai eu mes 50 ans ce matin, ça compte. Par ainsi, le commerce n'est pas tout. Puisque les Élis n'emporteront rien de ce qu'ils ont gratté, à partir de ce soir, on appellera ici le petit bonheur par son vrai nom de bon Dieu. On ne mangera plus la soupe à mon bord sans dire le bénédicité. Dis-nous les grâces !» Dans le silence qui suivit, j'entendis le baiser de l'abbé retentir sur la bonne joue de maman et presque aussitôt après, la voix émue de mon frère récita la prière latine dans notre salle à manger qui ne connaissait jusque-là que les chansons. « Un de ces matins, me dit Jean qui ricanait, il faudra choisir entre ceci et cela. Voilà le bon Dieu établi dans un petit coin. J'ai idée que ça va gêner le commerce. » En ce moment, l'abbé entrait pour m'embrasser avant de retourner à son ouvrage. Il était radieux et répondit « Piteux, mon ami, tu fais du tort au commerce. On peut acheter et vendre loyalement sous l'œil de Dieu. Le commerce dont tu parles et que l'œil de Dieu gêne a un autre nom, c'est le vol. » Qui ne marche pas, ma pipe et mon tabac. J'ai l'harmonica que j'avais acheté à Malaga. Allez, allez, allez.